À l'occasion du mois de la francophonie en Serbie, l'équipe de Francophile Radio a l'honneur d'accueillir M. Jean-René Klein qui nous vient de Belgique. C'est un professeur renommé de linguistique romane et de linguistique française à la faculté de philosophie, arts et lettres de l'Université catholique de Louvain. Ses recherches portent sur les expressions et la proverbe belge. Le thème de la conférence qui a eu lieu à Belgrade le 23 mars était « À la recherche des Français de Belgique ». Pourriez-vous vous définir le français en Belgique ? Alors, donc, le français en Belgique, c'est difficile à définir, comme tout français d'une région déterminée. Donc, le français en Belgique a des particularités qu'en général, on découvre par comparaison avec ce qu'on pense, ce qui est dit en France, quand on va voir dans des dictionnaires français, mais qui décrivent une réalité qui n'est pas exclusivement la réalité du français de France non plus. Donc, si vous voulez, les parler, les différentes langues des francophones de Belgique, de Suisse, de Québec, de Suisse, finissent par se recouvrir dans une certaine zone. Et alors, il y a véritablement un certain nombre de particularités qui s'emploient presque exclusivement, et j'insiste sur le presque exclusivement dans une région de la francophonie. Mais bien souvent, il faut bien savoir que les frontières politiques ne sont que rarement des frontières linguistiques. Très rarement. Ce qui, or, on l'utilise à Lille. Et au-delà, non. Et les usagers, comment se sont-ils ? Est-ce qu'en français, va dire... Non, mais pas français, mais une personne de Belgique, par exemple, est-ce qu'il va dire qu'il parle français ou belge ou quoi ? Ah non, ça, non. Un Belge ne dira jamais qu'il parle belge. Non. Ça, le seul que j'ai entendu dire, mais ça c'est une petite rosserie, c'était des gens qu'on interviewait en France qui disaient « Tiens, oui, j'ai entendu parler belge, mais le problème, le belge, ça n'existe pas. Les Belges ont la chance ou la malchance de ne pas avoir de langue qui leur est propre, puisque vous savez qu'il y a trois langues nationales en Belgique. En général, on oublie la troisième. Il y a le flamand qui est le néerlandais du sud, hein. Parler dans le nord de la Belgique, il y a le français parlé dans le sud de la Belgique, et il y a l'allemand qui est parlé dans une petite zone qui jouxte la frontière allemande. Mais donc, le belge, non, on n'existe pas comme tel, c'est du français. Je ne sais pas si vous connaissez la situation de Balkans, chez nous, la situation... Un petit peu. Oui, parce que nous avons presque la même situation. Nous avons le serbe, le croate, le bosniaque et le monténégrin qui sont les mêmes langues. Quand même, on a décidé d'avoir les différents noms pour chaque langue. Est-ce que, puisque c'est l'occasion de la francophonie où on célèbre l'unité, etc., est-ce que vous pensez que ce serait plutôt positif de créer des zones, par exemple le belge, le français, le québécois, où il faut insister sur l'unité ? Mais je ne dirais sûrement pas, en tous les cas pour l'exemple de la Belgique, on ne pourrait pas dire le belge, parce qu'on aurait de gros problèmes avec nos voisins du Nord, évidemment, les flamands qui sont belges aussi, mais pour eux, le belge, c'est évidemment pas du français. Donc le belge, c'est impossible, c'est une dénomination qui définit un État, la Belgique, mais où il y a trois langues, je ne parle pas des dialectes en plus. Hein. Donc ça me paraît très, très difficile, là on ne peut pas masquer la différenciation, mais comme je crois ce qui est important, c'est que on parvienne à identifier le dénominateur commun, comme il y a sans doute un dénominateur commun entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Monténégrins, etc. Mais c'est ça. Évidemment, c'est un peu normal, les gens voient plutôt les différences. Et quand on voit les différences, évidemment, c'est l'autre qui est bizarre, toujours. Mais la situation au Québec, elle est tout à fait différente. Mais elle est différente, oui et non. Donc, elle n'est pas différente en ce sens que donc les francophones natifs, c'est bien les Français, les Belges francophones, les Suisses francophones, donc des gens de Suisse romande, et les Québécois, un peu quelques Ontariens aussi. Mais la situation du Québec, évidemment, il y a une chose qui... dont ils ne sont pas responsables, c'est qu'entre le monde francophone européen et eux, il y a l'Atlantique. Ce qui évidemment crée quand même, alors maintenant vous allez me dire qu'au XXIe siècle, il y a la télévision, on peut communiquer avec un Québécois comme on veut, au téléphone, sur Skype, à la télévision, on voit en direct tout ce qui se passe si on veut au Québec, etc. Donc il y a une communication, mais ça n'empêche qu'il y a tout de même une identification peut-être un petit peu plus forte. Et alors vous savez aussi qu'au Québec, il y a une identification un peu nationale, puisque il s'agit de se différencier, cette fois-ci, non pas par rapport nécessairement au monde francophone, mais surtout par rapport au poids, évidemment, de anglo-saxon, le poids de l'anglais. Alors là, évidemment, il y a une espèce de réaction montrée qu'on est québécois, pure souche, pure... Par rapport aux habitants qui disent souvent qu'ils ne comprennent pas, par exemple, les Français de France ne comprennent pas ceux de Québec, ne comprennent pas un mot quand ils parlent. Est-ce que c'est vrai ou ils disent ça juste pour montrer la différence? Pourquoi ils disent ça? Alors ça, c'est une question. Oui, mais c'est une question intéressante, mais c'est difficile. Alors c'est vrai que un Français qui entend même un Bruxellois qui a un accent, comme on dit, à couper au couteau, il va le comprendre. Mais le problème du Québécois, c'est que il y a. Alors là, il y a une question d'intonation. C'est pas seulement la phonétique, c'est les courbes intonatoires, etc., qui sont différentes. Au Québec, c'est la phonologie qui est atteinte. Alors là, ça veut dire que ça, c'est évidemment beaucoup plus inquiétant. Moi, il m'est arrivé une mésaventure. J'étais un jour, j'avais pris une année sabbatique, j'étais à Laval, au Québec, j'étais invité à l'université de Trois-Rivières, et j'ai été reçu par un collègue linguiste, professeur de linguistique française, qui m'a reçu dans son bureau, je n'avais jamais vu. Et j'étais consterné. Il m'a dit bonjour. C'est la seule chose que j'ai comprise. Pendant 2 minutes, 3 minutes, il m'a parlé d'abondance. Je ne comprenais rien. Vous vous rendez compte de la situation? Moi, qui parle français, lui qui est professeur de linguistique française, et je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Et en fait, il faut un petit déclic. Et après 2-3 minutes, je dirais, bon. Il y a beaucoup de différences, comme vous avez dit, que les gens ne comprennent pas. Quelles sont les choses communes? Mais oui, donc, oui, pour que la langue, évidemment, c'est tout le problème. J'ai fait une allusion tout à l'heure de la différenciation, évidemment. Ça, pour que les choses restent, au fond, le squelette d'une langue, l'armature d'une langue, c'est son système phonologique. Si vous ne pouvez. Justement, un Québécois, si vous n'entendez plus la différence entre les A, les O, les un, tout ça, alors ça devient de plus en plus compliqué, parce que les voyelles, c'est quand même fort important. Hein, alors, les palatalisations de ts, ts, ts, tout ça. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, ça rend déjà le système plus caduque. Alors, ce qui est important aussi, c'est le maintien de la syntaxe. Là, une fois qu'on commence à chambouler la syntaxe, alors là aussi, c'est une autre armature. Ce qui est peut-être le moins dangereux, finalement, c'est le lexique. Parce que le lexique, il suffit de substituer une forme à une autre. Puis il y a le contexte, qui aide, évidemment. Mais il ne faut pas exagérer. Hein. En tous les cas, du point de vue lexical, puisqu'on a les dictionnaires, etc., je crois qu'on arriverait à définir quand même, pour la francophonie des natifs, un noyau commun relativement important. Ce qui explique que 9 fois sur 10, on se comprenne quand même. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer quelques différences importantes entre le français de plusieurs pays? Peut-être quelque chose de drôle, quelque chose qui peut créer un problème. Oui, bah, je vais vous faire un exemple ici parce que je ne les connais pas tous par cœur. Vous l'avez assemblé ici. Bah, oui, il y a des exemples. Mais c'est surtout ce qui est... Bon, il y a le lexique, hein, mais donc il y a les expressions. Ça, c'est peut-être, puisque là, il y a des images, des métaphores, des... voilà, une expression qu'on utilise couramment en Belgique pour dire qu'on a un compte à régler avec quelqu'un. Avoir un œuf appelé avec lui. Alors, c'est vrai que si vous y arrivez à Paris et vous dites que j'ai eu un œuf appelé avec un policier, on va dire que vous avez fait avec votre œuf, après, bon, rien, puis je viens, hein, donc ça, d'accord. Ou bien, en Belgique, on. Hein, ça, c'est quelque chose qui est assez courant. J'avais noté quelques cas ici aussi. Ah, voilà. Un livre qui est intéressant, alors, oui, on n'en a pas parlé. C'est d'ailleurs assez significatif que j'ai oublié. Un terme qu'on emploie depuis très peu de temps. Vous savez ce que c'est qu'un francisme ? Un francisme ? Oui. Un francisme. Ah, c'est significatif. Eh bien, c'est un mot qui vient d'apparaître en 1900, en 2011, dans Le Petit Robert. C'est une particularité du français de France. On a commencé, vous vous rendez compte, à se rendre compte qu'il y avait des choses qui se disaient en France et que ni les Belges, ni les Québécois, ni les Suisses n'entendent. C'est un francisme. Le Petit Robert a mis 10 ans à introduire ça dans sa nomenclature. Malheureusement, il donne un mauvais exemple, qui n'est pas bon. Enfin bon. Il donne l'exemple des myrtilles. Parce que les Québécois n'appellent, vous voyez ce que c'est la myrtille, cette petite baie bleue, foncée, on fait des confitures. Toute petite baie. Oui, oui. Les Québécois appellent ça des bleuets. Des bleuets. Vous voyez, ces petites bleues. C'est myrtille. Myrtille, oui. Myrtille, oui. Eh bien, alors, Alain Rey, dans Le Petit Robert, dit, enfin, c'est plus lui maintenant, mais enfin, il dit que c'est un francisme. Mais non, puisque myrtille, on l'emploie couramment en Belgique, donc c'est pas un francisme. Donc c'est ce qu'on appelle un BF, quoi. Voilà. Alors, ah oui, alors, quelque chose qu'on emploie en France. Les Québécois, en fait, ils disent bleuet pour les myrtilles. Pour les myrtilles. Et oui. Les Français, c'est le bleuet pour le nom d'une fleur. Oui, c'est ça. Donc, alors, en plus, très bien, bonne question, ça veut dire que bleuet, en plus, c'est un faux ami. Hein, parce que si vous dites que vous allez faire de la confiture de bleuet à un Français, ça doit être curieux. Hein, et vous dites que je vais faire un bouquet avec mes bleuets, vous dites ça à un Québécois, il va dire, ils sont pas bien. Vous voyez, ça, c'est amusant. Alors, chose qui m'est totalement inconnue, que mes collègues français m'ont signalé récemment, pour dire que, oh ben ça va, on va se débrouiller, ça fait le compte. Ça fait la rue Michel. Ça fait la rue Michel. Alors vous dites en Belgique, en Québec, ça fait la rue Michel, les gens vont regarder avec des grands yeux. Hein, c'est une histoire. Vous voyez, il y a tout de même toute une série de choses ainsi. Alors en Suisse, vous avez. Ah oui, au québécisme, ils ont joué quand même. Se lever du mauvais pied. Vous connaissez cette expression quand on est de mauvaise humeur. Hein. Eh bien, les Québécois, ils ne se lèvent pas du mauvais pied. Ils se lèvent le gros bout le premier. Le gros bout le premier. Ou bien, si vous avez fait la fête toute la nuit, vous dites que vous avez passé la nuit sur la corde à linge. Vous voyez donc. Alors, dans le lexique, vous avez. On n'a pas une amie au Québec. On a une blonde. Alors oui, donc oui, bah oui, quand on n'est pas blond, c'est curieux. Donc, ah oui, mon fils, il a une blonde. Et puis vous voyez arriver une noire de feu, vous dites, ah bon. Alors, c'est curieux.